Manon, en effet, était une créature d'un caractère extraordinaire. Jamais fille n'eut moins d'attachement qu'elle pour l'argent. Mais elle pouvait être tranquille, un moment, avait la crainte d'en manquer. C'était du plaisir et des passe-temps qu'il lui fallait. Elle n'eut jamais voulu toucher un sou, si l'on pouvait se divertir sans qu'il en coûte. Elle ne s'informait pas même quel était le fond de nos richesses, pourvu qu'elle pût passer agréablement la journée. De sorte que, n'étant ni excessivement livrée au jeu, ni capable d'être éblouie par le fait des grandes dépenses, il n'était plus facile que de la satisfaire, en lui faisant naître tous les jours des amusements de son goût. Quoiqu'elle m'aimât tendrement, j'étais presque certain que sa tendresse ne tiendrait point contre de certaines craintes. Elle m'aurait préféré à toute la terre, avec une fortune médiocre, mais je ne doutais nullement qu'elle ne m'abandonna pour quelque nouveau B, point de suspension, lorsqu'il ne me resterait que de la constance et de la fidélité à lui offrir. Je découvris ma peine à M. Lescaut. Il me répéta que si je voulais tenter le hasard du jeu, il ne désespérait point, que je ne puisse être admis, à sa recommandation, dans la Ligue de l'Industrie. Quelque répugnance que j'eusse à tromper, je me laissais entraîner par une cruelle nécessité. M. Lescaut me présenta le soir même comme un de ses parents. Il ajouta que j'étais d'autant mieux disposé à réussir que j'avais besoin des plus grandes faveurs de la fortune. Cependant, pour faire connaître que ma misère n'était pas celle d'un homme de néant, il leur dit que j'étais dans le dessein de leur donner à souper. L'offre fut acceptée. Je les traitai magnifiquement. On s'entretint longtemps de la gentillesse de ma figure et de mes heureuses dispositions. On prétendit qu'il avait beaucoup espéré de moi, parce qu'il y a quelque chose dans la physionomie qui sentait l'honnête homme. Personne ne se défierait de mes artifices. Enfin, on rendit grâce à M. Lescaut d'avoir procuré à l'ordre un novice de mon mérite, et l'on chargea un des chevaliers de me donner pendant quelques jours les instructions nécessaires. Le principal théâtre de mes exploits devait être l'hôtel de Transylvanie. Le dirais-je à ma honte, je profitais en peu de temps des leçons de mon maître. Je ne craignis plus alors de découvrir à Manon notre perte de Chaillot. Et pour la consoler, en lui apprenant cette fâcheuse nouvelle, je louai une maison garnie où nous établîmes avec un air d'opulence et de sécurité. Tibère n'avait pas manqué, pendant ce temps-là, de me rendre de fréquentes visites. Sa morale ne finissait point. Il me menaça des châtiments du ciel. Tous mes conseils, ajouta-t-il, vous ont été inutiles. Je ne prévois que trop qu'ils vous seront bientôt importuns. Adieu, ingrat et faible ami. Je romps aujourd'hui tout commerce avec vous, et je déteste la vie que vous menez.